c'est parti, roue libre Olivier, 10e bilan de cette saison 2022 de Formule 1, j'ai fait rouler le R comme il fallait pour faire plaisir à nos chers amis, et donc justement, j'ai envie de dire Loïc principalement quand même, parce que... Parce qu'évidemment, c'est l'occasion de l'été, c'est l'occasion de parler du bouquin que j'ai joyeusement rangé. D'ailleurs, le petit bouquin sur Fernando Alonso, je vous le remontrerai tout à l'heure. Bref, Olivier, on est lundi soir pour tourner le bilan d'un Grand Prix renversant, j'ai envie de dire. Ouh, oui, pas mal. Ça commence bien, ça commence bien. Oui, le Grand Prix de Grande-Bretagne, donc à Silverstone, un classique évidemment, avec toujours un circuit très très appréciable, je trouve. C'est subjectif, mais voilà, je pense vraiment que ça fait partie des joyaux de l'F1. Depuis, la transformation de ce circuit-là, justement, qui date maintenant d'il y a plus de 10 ans, hein, avec le changement de ligne droite du départ et puis l'enchaînement du virage 1 au virage 5, qui était donc une nouvelle section, justement, puisqu'avant, ça nous emmenait vers l'enchaînement de bridge, qui était très joli. Ben, en fait, plus le temps passe, plus je me dis que j'aime beaucoup cette section, justement, qui fait le secteur 1 du circuit. Il n'y a que le virage 4 que j'aime pas trop, parce que je trouve que c'est un virage qui n'est pas très intéressant, mais qui est nécessaire pour justement apprécier l'enchaînement 1-2-3 qu'on a au début. J'avais beaucoup, beaucoup aimé, ne serait-ce que le second départ ou même le restart qu'on a eu durant la safety car. Ça donne des images très impressionnantes, surtout avec les voitures actuelles qui, je trouve, donnent encore plus ce sentiment d'être calées à la route quand elles prennent quelques courbes, justement, et quand elles peuvent se suivre assez près. Ouais, je te rejoins là-dessus. Je reste un peu nostalgique, comme d'autres de nos amis de la communauté F1 sur YouTube, de l'ancien stadium, parce que voilà, quand même, ça avait son cachet. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, on a quand même un tracé qui maintenant, on l'a accepté, on l'a digéré, et puis surtout, ça propose quelque chose de très très intéressant partout. Et c'est vrai, Damien, la transition sera faite vers la suite de cette vidéo, que franchement. Ces nouvelles voitures ont particulièrement bien fonctionné à Silverstone sur un tracé très complet. Et je trouve que sur les tracés complets, les vrais tracés de F1, Barcelone aussi, parce que Barcelone, on le critique souvent, mais c'est un tracé complet. Oui. Et bien, ça fonctionne très bien, en fait. Et ce qui fait que j'ai d'ailleurs très très hâte de voir la semaine prochaine le Grand Prix en Autriche, parce qu'on est sur un nouveau circuit qui va être très intéressant, avec beaucoup de dénivellation. Et des sections plutôt assez rapides, donc ça pourrait être un petit peu sympa justement. C'est quand même mieux de voir des Formule 1 sur des circuits de Formule 1 et non pas sur des parkings ou en centre-ville, même si Monaco, mais voilà. Bref, allez, on va pas commencer à aller directement, d'autant qu'on traîne pour l'affiche du Grand Prix justement, 73e édition du Grand Prix de Grande-Bretagne sur le circuit de Silverstone. Ça fait quand même un bon moment que la Formule 1 va sur le circuit, puisque c'était le lieu du premier Grand Prix Formule 1 de l'histoire, officiellement. Et également aussi, ça a été le lieu du Grand Prix du 70e anniversaire, souvenez-vous, en 2020, évidemment. Oui. Et c'est le lieu de, probablement, je pense que c'est pareil pour toi aussi, mais mon Grand Prix préféré depuis qu'on commente sur la chaîne. La chaîne existe depuis 2018, et le Grand Prix de Grande-Bretagne 2019, pour moi, c'est une référence, je trouve. C'était vraiment un Grand Prix exceptionnel à l'époque. Mais franchement, on a eu, depuis que cette chaîne existe, plus de très bonnes éditions à Silverstone que de mauvaises. Oui, c'est vrai, oui mais rétrospectivement, on a eu quand même des époques très complexes, quand même. Je suis désolé, la domination Red Bull 2010-2015, enfin 2010-2013, pardon, c'était un peu un enfer quand même. On a des éditions impressionnantes 2013 avec justement les pneus qui sont crevés en permanence, mais c'est plus circonstanciel que réellement lié à ce que proposaient les pilotes. Mais oui, on a un Grand Prix de Silverstone qui sied plutôt bien au turbo, je dirais. Au turbo hybride, ça marche plutôt pas mal. Bref, Olivier, on a assisté à une course... on a eu un moment donné très très peur et très très chaud. Et puis une fois que ça s'est redétendu, que ça s'est un peu calmé, après derrière, on a eu une course assez folle avec un résultat assez incroyable. Puisque c'est la roue libre Victory Lane pour le 112e vainqueur de l'histoire de la Formule 1. Et Carlos Sainz qui devient donc le 40e vainqueur chez Ferrari. C'est pas mal. Ferrari, c'est pas mal. Pilote espagnol, deuxième pilote espagnol en Formule 1 à gagner des Grands Prix. Deuxième plus tardif à remporter un Grand Prix aussi. Et que Perez qui a fait... entre guillemets pire, c'est vrai, c'est une question de point de vue, Mais c'est un record qui pourrait encore être battu parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de courses, donc forcément, ouais, mais ça amène ce genre de données. Hein. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, dans ceux qui ont beaucoup de grands prix et qui pourraient potentiellement battre ce total-là, non, en fait, dans ceux que tu verrais potentiellement pouvoir gagner des courses prochainement... non, parce que déjà, pour commencer, je ne vois pas Hülkenberg gagner un grand prix, enfin, à moins d'un miracle incroyable qui se retourne dans une Red Bull ou une Ferrari rapidement, ça me semblerait très surprenant. Les deux seuls non-vainqueurs que je verrais potentiellement vainqueurs demain, c'est Norris et Russell. Mm-hmm. Et l'un et l'autre n'ont pas atteint les 100 grands prix. Non, ouais, mais ce record peut avoir des beaux jours devant lui, le record de Perez, mais il pourrait encore être battu à l'avenir parce que, effectivement, il y a de plus en plus de courses, donc forcément, ça arrivera. Sans doute, un jour. Oui, après, on verra bien. De toute façon, c'est la tenue des différentes carrières qui pourrait faire la différence, évidemment. Ce que je voulais dire, Damien, c'est que ce n'est pas un record imbattable. Ce n'est pas comme le record de précocité de la victoire de Verstappen, qui, lui, ne sera probablement plus jamais battu, puisqu'on ne peut plus être en Formule 1 à cet âge-là. Attention, il avait 18 ans quand il a gagné une course. Donc, il suffirait juste d'avoir quelqu'un qui soit au volant d'une voiture incroyable dès qu'il a à peine 18 ans et puis qui remporte l'un des premiers Grands Prix de la saison. Bref, c'est un concours de circonstances uniques, évidemment, pour y arriver. Quoi qu'il en soit, on a eu l'occasion justement de voir la victoire de Carlos Sainz, mais ce Grand Prix a été marqué, évidemment, par un événement... fort en intensité, fort en émotion, négative pour commencer, puis positive ensuite, évidemment. On va bien entendu en parler. On va d'abord parler des 10, enfin vous montrer les 10 à l'écran, évidemment. Faites pause si vous voulez savoir un petit peu plus sur le top 10 de ce Grand Prix. Mais on va bien entendu parler sécurité en Formule 1 parce que c'est quand même le sujet le plus chaud qui s'est passé durant ce week-end et pas uniquement d'ailleurs en Formule 1. On aura l'occasion évidemment d'en parler dans le fait marquant. Le fait marquant, Olivier, de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, on va parler sécurité, on va pas parler des conneries de Ferrari parce que j'emploie le terme et je vous avais dit sur Twitter que j'allais me marrer. J'ai vécu le Grand Prix en différé. Au bout de 15 tours, je me dis, il n'y a aucun moyen que Ferrari ne puisse pas enfin renverser un peu la vapeur sur Red Bull. Et ils ont quand même trouvé le moyen de se rendre un petit peu ridicule. Ils marquent plus de points que Red Bull durant ce week-end, certes, mais on en reparlera après parce que franchement... Oui, évidemment, on va en parler, hein. Rassurez-vous, on va en parler, mais après. Ouais, mais après, parce que là, le plus important, la Formule 1 nous a rappelé une fois encore ce week-end qu'elle est un sport dangereux et que même si certains appellent de leur vœu une certaine dangerosité, je pense que ça reste quand même des moments que j'ai pas envie de revivre. Enfin, et pourtant, je l'ai fait en différé. Donc, comme je n'ai pas eu d'alerte, je vais passer des alertes vite fait Formule 1 justement sur mon téléphone durant l'après-midi que j'ai vite coupé, donc sans savoir ce qui se passait. Mais comme il n'y a pas eu plein d'alertes des sites d'actualité que je suis pour me dire qu'un pilote était mort, je me suis douté que Zou allait bien. Mais malgré tout, ça reste quand même un petit peu particulier de voir une voiture s'envoler comme ça. Oui, d'autant plus que ben voilà, le règlement est le règlement, Damien. Quand tu le vis en direct, tu sais qu'on ne va pas te montrer les images tant qu'on n'a pas de nouvelles. Oui. Et ça a duré. Ça a duré pour la bonne et simple raison qu'il était coincé dans sa voiture. Donc forcément, on n'avait absolument aucune image. Si ce n'est, ils ont commencé à filmer Russell qui courait vers lui et puis ils ont arrêté ils ont changé de caméra. Donc on ne savait rien du tout. Évidemment, et c'est toujours un peu angoissant, bien sûr, comme situation, mais le règlement est le règlement par rapport à ça. J'ai regardé le replay de Canal+, qui d'ailleurs, au passage, je le dis maintenant parce que ça m'a fait hurler de rire, mais a diffusé le générique 2021. Pourquoi pas ? Oui, bon, le stagiaire a fait une erreur. Ouais, donc on avait Matt Zépine de retour en Formule 1, ça va lui donner des billes pour réclamer son salaire à As d'ailleurs. Bref, mais donc, mis à part ça, oui, donc j'ai regardé, il y avait Julien Febro qui avait donc manifestement des contacts avec des personnes qui étaient au fait d'un peu ce qui se passait et nous donnait quelques suites de ce qui s'était produit globalement. Oui. On a su assez rapidement que Ganujo était conscient. Mais il y avait des difficultés pour réussir à l'extraire. En fait, surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des informations sur le fait que les barrières étaient dans un mauvais état, etc. Ce qui fait qu'avant d'avoir vu le ralenti, il avait des informations qui, rétrospectivement, quand tu sais ce qui s'est passé, te faisaient comprendre ce qui s'était produit et qu'en fait, c'était presque plus les conséquences de l'événement que réellement l'événement qui avait été problématique. Il ne comprenait pas pendant le direct, justement, et quand ils étaient en train de commenter, pourquoi on te disait les barrières ont été mises en difficulté, parce qu'ils n'avaient pas capté que la voiture était passée au-dessus du mur de pneus. Ils ne comprenaient pas ça, justement. Et c'est quand on a vu le ralenti que là, après, derrière, on a réalisé qu'on est passé à côté quand même de quelque chose d'assez dramatique. Oui, et pour la petite précision, Damien, mais voilà, pour dire quand même que toutes les chaînes de télé à ce niveau-là sont à égalité, c'est pas Febro qui avait des contacts, c'est bien la FIA qui communique avec les commentateurs Ah, voilà. TV, D'accord. avec les journalistes, pardon, de manière générale. Donc ils ont vraiment un poste de communication là-dessus. Donc toutes les infos qui leur arrivent ne nous parviennent pas à nous, mais parviennent aux journalistes. C'est important à préciser parce qu'ils avaient tous ces infos-là, ils avaient tous les mêmes, mais donc ils n'avaient pas d'image, évidemment, tout comme nous. Je ne savais pas que Et c'était aussi effectivement, on a dû précis ce que la attendre. FIA transmettait, par contre. Donc voilà. Oui, si, quand même. Après, il précisait pas, ou peut-être que j'ai pas entendu sur le moment quand il le disait qu'il y avait le canal FIA qui leur remontait l'information. Mais comme on sait la capacité de la FIA à ne pas être du tout précise dans les informations lors des situations un petit peu complexes. Mais en fait, j'étais pas sûr non plus, et c'est parce que Gaëtan Vigneron l'a expliqué, pour une fois d'ailleurs, parce que c'est pas dans ses habitudes non plus de le dire. Mais donc, il a expliqué que la F1 communiquait vis-à-vis d'eux et qu'ils recevaient tout ça au fur et à mesure. Et c'est plutôt intéressant à savoir, c'est bon à savoir parce qu'on a des infos qui sont donc officielles à ce moment-là. On n'a aucune image, et après, pour une fois, je salue le travail de réalisation qui a été fait parce que, une fois qu'on a su qu'il allait bien, on a eu C'était droit à transparent. tout, ouais, on a vraiment eu droit à tous les ralentis possibles, toutes les images possibles, à la suite, donc c'était préparé, et on nous a sorti tout d'un coup, on a pu vraiment tout voir d'un coup, ça c'est bien. C'est un point qui est à noter, parce que ça a été très transparent dans la transmission de l'information, parce que mine de rien, ce qui s'est produit, et c'est un petit peu l'intérêt de la discussion et ce qu'on veut emmener sur ce marquant aussi, c'est qu'on a été confronté en fait à quelque chose de potentiellement évitable dans l'esprit. Pas le choc entre Russell et Zhao, mais Non. la suite. Il y a deux éléments pour moi à prendre en compte. Le premier, c'est que déjà la voiture s'est affaissée complètement au niveau de l'arceau de sécurité qui se trouve derrière le pilote. Manifestement, il y a des questions à se poser. Est-ce que la pièce s'est brisée? Ou est-ce que les tests qui sont demandés sur cette pièce-là ne peuvent pas absorber la violence de ce qui s'est produit durant l'incident, justement dimanche au départ? C'est le premier point. Et le deuxième point, évidemment, c'est que du fait de l'inertie de la voiture lorsqu'elle a atteint le gravier relativement tardivement dans son échappatoire, ça l'a fait décoller et puis passer au-dessus du mur de pneus. Il y a donc deux éléments en fait à prendre en compte, justement, c'est que d'un côté, tu as le dispositif de sécurité de la voiture qui n'a pas fonctionné aussi bien que prévu, et le circuit qui présente des éléments qui peuvent potentiellement apporter du danger. Il y en a un troisième dont on parle pas et dont on va parler dans cette vidéo, Damien, parce que George Russell en a parlé. Lui, ce qui l'a interpellé le plus, c'est pas les graviers qui font décoller la voiture, c'est le fait qu'il y ait de l'espace entre le mur de pneus et le grillage. Et donc la voiture est retombée dans ce trou. Ah oui. Et il trouve pas ça normal, en fait, qui est effectivement vraiment un trou, en l'occurrence, entre les deux, trou dans lequel passent parfois les commissaires, mais qui est quand même assez large pour accueillir la voiture, hein, parce que l'Alfa a complètement plongé dans ce trou. Et je trouve Ouais. ça interpellant aussi. Donc pour moi, ça fait trois éléments. Attends, par rapport à ce trou-là, non, enfin, si tu n'as pas ce trou en question dont tu parles, c'est sur la tribune en fait que tu prends Non, appui. non, en réalité, il devrait exister, mais ce qui est effectivement interpellant, c'est n'y a-t-il pas un autre moyen que d'avoir cet espace-là entre les deux qui est tellement large, effectivement, qu'une voiture retombe dedans. Ah. Je ne, ce qui embêtait Russell dans l'idée, c'est que la voiture s'est retrouvée dans une position où le pilote était coincé. Et Oui. effectivement, s'il était gravement blessé, on perd beaucoup de temps, évidemment, avec un pilote coincé la tête en bas dans le trou En à cet cas de endroit-là. feu également aussi, on est typiquement Bien dans le sûr. genre de cas qu'on avait, d'ailleurs, je me souviens, c'est des genres de cas qu'on peut évoquer lorsque le halo arrive au Formule 1, de se dire Oui. que fait-on en cas de départ de feu? Parce qu'on est dans la même situation que ce qu'avait connu Alonso à Melbourne en 2016, je crois. Je crois que c'est 16 aussi. Ouais. 15 ou C'est 16, je 15 ou sais plus. 16, mais... Ouais, l'un des deux. Je crois que c'est 16 parce que justement en 2015, je crois que la McLaren n'était pas encore toute noire. Mais donc, justement, avec le halo, il ne sortait pas de la voiture tout seul. Oui, ça fait partie de ces cas-là. Après, derrière, le halo a sauvé possiblement Zhao, parce que justement, on a eu, premier point, avant qu'on discute du gravier et avant qu'on discute aussi de la nécessité de l'ensemble, c'est justement l'arceau de sécurité au-dessus du pilote qui manifestement s'est brisé. Et c'est ce que disait quand j'ai fait le replay, justement, sur Twitter, certains ont réagi, expliquaient, un pilote plus grand que Zhao c'était pas la même histoire quand même. Je sais pas si on va être d'accord, Damien, mais pour moi, c'est celui-là le point le plus problématique. Bah, pour moi, oui. C'est que l'arceau se brise, donc la cheminée, véritablement, on peut l'appeler comme ça, de la F1 n'existe plus. Et donc, effectivement, avec un pilote plus grand et sans halo, qu'est-ce qui traîne sur le sol ? Mais c'est le casque, hein, là le clairement. Casque. Et vu la vitesse et vu l'ensemble, rapidement, le casque est consommé. Hein, donc, voilà, parce que le halo, en fait, a joué un rôle qu'il n'aurait potentiellement pas dû jouer. Non, c'est effectivement pas son rôle, normalement. Voilà. On est bien d'accord, c'est pas son rôle, c'est contre l'impact, enfin tout ce qui vient impacter à cet endroit-là, mais pas contre quelque chose de continu qui vient frotter. Donc. On en reparlera après de la réussite du halo, parce qu'en Formule 2, le même jour, on a eu l'occasion de pouvoir expérimenter vraiment la réussite du halo. Mais tout ça pour dire que oui, moi ça me gêne, c'est vraiment ce qui me choque le plus. Dans l'histoire. On va se concentrer clairement. Et tout. T'as toi les grands fans des dégagements d'asphalte qui sont là à te dire le gravier c'est de la merde, machin et tout, à faire des grandes phrases du genre le gravier c'est mieux, puis t'es à sentir meilleur que tout le monde. Inversement, t'as ceux qui sont là à te dire le gravier. Écoute, t'as pas de solution miracle. Au bout d'un moment, la voiture elle est pas sur ses roues, donc pour moi l'asphalte ça ralentit pas. On a eu l'occasion de se montrer, de le voir. En fait, et en même temps, le gravier quand c'est mal foutu, ça peut être dangereux. Je, à tous ceux qui, parce qu'il y en a beaucoup quand même, qui ont dit oui, cet accident démontre bien que le gravier ça va pas, proposer quelque chose, parce que s'il y a que de l'asphalte, c'est pas mieux, le résultat est à peu près le même. Parce que la, voiture, parce que la voiture glisse sur de l'asphalte pendant beaucoup plus longtemps, qui te dit que la halo va tenir ? Oui, c'est ça, et donc elle va quand même décoller de toute façon une fois qu'elle arrive sur les pneus, elle serait quand même passée au-dessus, je suis désolé, le résultat non, il est... Si t'as pas du tout de gravier, elle arrive à plat face aux pneus, par contre oui. Elle te fait 150-200 mètres de plus en train de frotter, qui te dit que le halo tient, qui te dit que la cheminée va pas encore plus être consommée, qui te dit que tu vas pas attaquer d'autres éléments après derrière aussi. C'est pas beaucoup. Parce qu'effectivement, admettons que la voiture sans gravier ne décolle pas et ne passe pas au-dessus du mur de pneus et ne se retrouve pas dans ce trou dont Russell a parlé et dont on vient de discuter aussi. Ça veut dire que la voiture tape plus fort dans le mur de pneus. Et ça veut dire, comme tu le dis, que ça frotte encore plus et plus longtemps. Je suis pas sûr que ce soit mieux. Vraiment. Voilà. De même. Donc, trouver une solution alors, parce que moi je pense pas qu'il y ait une solution idéale. Le problème n'est pas qu'il y ait eu une partie d'asphalte et puis du gravier. C'est ce qui se fait partout. Ah si, c'est un problème ça. Oui, mais on fait quoi ? Moi je veux bien qu'on soulève un problème, mais quelle est la solution ? D'abord le gravier. Ouais. Parce que déjà pour commencer en faisant l'inverse, tu évites que les mecs sortent de la piste, premièrement. Deuxièmement, si tu pars en tonneau sur le gravier et qu'après tu vas taper de l'asphalte, l'inertie fait que la voiture va s'arrêter. Beaucoup plus facilement que dans les faits dans les faits justement dans lesquels elles s'enclenchent sur le truc. Et puis point un peu extrêmement important aussi, il serait peut-être nécessaire d'avoir plutôt des sables un peu mouvants que d'avoir des graviers un peu durs qui peuvent tenir l'ensemble, limite que ce soit pas trop facile de pouvoir marcher dans les graviers. C'est ça, mais souviens-toi, on en parlait souvent quand on a débattu, et Dieu sait si on a déjà fait le débat ici. Ah bah oui. Des limites de piste. Et du ras-le-bol qu'on a souvent par rapport à ça, on s'est souvent dit il faudrait d'abord une bande d'herbe ou de gravier et puis de l'asphalte derrière. Oui, mais en matière de sécurité, c'est une vraie grosse bande qui peut potentiellement justement arrêter la voiture, même entre guillemets abîmer la voiture pour justement forcer les pilotes à rester un peu en piste aussi et avoir des vraies conséquences, et en même temps une bande d'asphalte après derrière, où si tu es encore en état, tu peux encore maîtriser ta voiture, tu vas la calmer, l'arrêter, tout ce que tu veux, ça jouera son rôle, mais tu vas avoir un effet de frein qui va arriver en premier et puis après derrière d'autres éléments. Je pense que c'est possible. Les bandes qu'on a au Paul Ricard n'ont d'efficacité que si les pneus sont attachés à la voiture et sont encore mobiles par rapport à la voiture. Hier, dans ce cas-ci, ça n'aurait rien changé. Je suis pas sûr, même peut-être qu'avec de l'inertie, ça aurait pu aussi entraîner un autre tonneau. Peut-être moins loin, mais ça aurait pu avoir d'autres conséquences. Ouais, bref, le plus important, c'est pas tant les graviers et l'ensemble, ça reste quand même cet arceau de sécurité qui n'a pas tenu sur la voiture, et ça, c'est un problème. Interpellant. Villeneuve te disait que c'était arrivé sur une Sauber par le passé, parce que c'est vrai qu'on avait eu le Grand Prix d'Europe 2099. Pedro Diniz, oui. La situation qui s'était passée sur Pedro Diniz, rien à voir. Hein, là. Mais... Non. Mais en même temps, les situations où les voitures sont véritablement comme ça, à traîner sur cette zone-là, ne sont pas souvent. C'est peut-être un des premiers points, un des points suivants que la FIA a étudié au niveau de la sécurité. Bah, oui, il faut quand même bosser là-dessus, parce que ça arrive très rarement, on est bien d'accord, qu'une voiture en tonneau une Formule 1 puisse glisser de cette manière-là, c'est déjà extrêmement rare. Donc, voilà. Mais le fait est que ça peut arriver, on l'a vu hier, et on l'a même vu d'ailleurs en direct, hein, parce qu'en fait, l'angle de caméra montre, on voit quand même la voiture qui passe, hein, et qui glisse, et qui est en tonneau. Et là, tu te dis, oula, ça va taper fort quand même. À partir de là, tu te poses des questions, mais ce qui est sûr, c'est que même si ça arrive rarement, ça arrive. On se souvient quand même que le halo était là pour de potentiels chocs avec un casque et pour éviter ce genre de choses. On s'était dit à l'époque, c'est rare. Or, on a déjà vu depuis que le halo existe, qu'il a sauvé des vies, et plusieurs fois. C'est vrai. Voilà. Donc c'est intéressant de bosser là-dessus, je pense. Oui, toujours, c'est une question qui est à se poser. D'autant que le halo, bah, c'est bien, ça va faire une transition. Justement, ça s'est passé en Formule 2 le dimanche matin. Oui. On ne va pas revenir sur les circonstances qui emmènent l'incident, parce que j'ai lu des horreurs sur les réseaux te disant que Nissany n'avait que ce qu'il méritait de s'être pris la bagnole de Auger sur le côté. Si vous il est mauvais, il est vraiment pas bon, non, et il est dangereux. Oui. C'est pas la première fois. Parfois, c'est juste en mode PlayStation, il n'y a rien d'autre. Maintenant, ça ne mérite pas qu'on tienne ce genre de propos, non, jamais. Enfin, non, parce que les gars, sans le halo, donc ne serait-ce que 3 ans en avant, hein, il n'y a plus de Roy Nissany. Non. Parce que là, et sans le halo, il n'y a peut-être plus de Guan Yu Zhou non plus. Donc, Oui, aussi. T'en fais deux quand même. Hein. Oui, c'est clair. C'est le même jour en plus. Dans des circonstances très différentes d'ailleurs. Mais oui, on a eu des confirmations, on a des confirmations régulièrement de ce que c'est. Maintenant, je ne vais pas me flageller pour dire qu'à l'époque, je persiste à trouver cette solution totalement inesthétique. Mais ça marche. Bon, bah écoute, ça fonctionne, ça a prouvé son efficacité, c'est nécessaire. Eh ben, tant pis, c'est moche, mais il vaut mieux l'avoir plutôt que d'avoir un truc moins moche et des pilotes en moins. Parce qu'on ne devrait pas ne pas pouvoir profiter pleinement de sa passion dans des bonnes conditions de sécurité, justement. Donc voilà. Oui, puis encore une fois, c'est moche, mais on sait. Enfin voilà, je me souviens, c'était Toto Wolff, je pense, qui avait dit lors de l'apparition du halo qu'il avait envie de prendre une hache et d'aller retirer ce truc absolument infâme. Oui, c'était extrêmement moche quand c'est apparu. Et oui, nos yeux se sont habitués. De toute façon, on est habitué à voir ce truc. C'est pas très esthétique, certes, mais on voit que ça sauve des vies. Ça en a probablement sauvé 2 ce week-end. Donc, évidemment, enfin, de toute façon, même avant ce week-end, il y avait même plus de débat là-dessus depuis longtemps. Hein. On a eu d'autres exemples par le passé en Formule 1. Bah, le premier exemple auquel je pense vraiment marquant, c'est Leclerc au départ du Grand Prix de Belgique. Oui. En 2018, c'était. C'est ça. Où Alonso justement a décollé sur la Sauber. Il suffisait juste de voir justement la couleur du halo qui avait été couvert de gomme de la McLaren justement pour se rendre compte que ça avait été nécessaire. Voilà. Oui, on peut évidemment penser à Hamilton l'an dernier avec Verstappen à Monza. Oui, aussi, en effet. Je pense que le choc est différent s'il n'y a pas de halo. Hein. Ou Grosjean qui traverse les barrières aussi en 2020 au Grand Prix de Bahreïn. Circonstances différentes, mais résultats différents. Voilà. Toutes différentes, mais sans le halo, peut-être que tous ces pilotes-là ne sont plus là. Donc, on peut pas le vérifier, mais c'est sûr que le danger était réel et dans certains cas assez énorme quand même. Et c'est l'occasion de se dire aussi que. J'ai eu regardé. Bon, il se trouve qu'il y a des personnes qui aiment bien faire la promotion de la Formule 1 en parlant principalement des accidents. Mais tu as l'occasion de pouvoir aussi. Enfin, on les a tous quand même plus ou moins vus. Enfin, pas non plus se cacher derrière le petit doigt. Mais je trouve beaucoup d'incidents ces dernières saisons extrêmement violents. De plus en plus violents. Parce que beaucoup des incidents standards qu'on peut vivre aujourd'hui étaient des incidents violents d'avant. Et finalement, c'est de se rendre compte à quel point la sécurité a fait un bond en avant considérable ces dernières années. Et même si ce sont des moments qui sont glaçants, ben c'est bien de se dire que c'est pas régulier d'avoir peur pour un pilote. Non, et heureusement que c'est pas régulier, ce serait une très très mauvaise pub évidemment. Et en même temps, Damien, je voudrais quand même terminer ce fait marquant par par du positif, parce que oui, il y a des questions à se poser sur les dégagements, oui, il y a des questions à se poser sur ce qui s'est passé sur cette voiture de Guan Yu Zhou avec l'arceau, évidemment, c'est clair et net. Mais en même temps, quelle efficacité dans certains domaines. Le Halo, évidemment, on vient d'en parler, oui. Mais il n'y a pas que ça. La Crashbox, ça ne bouge pas. Le pilote, il n'a rien, il n'a pas une égratignure, il n'a rien. Je trouve que c'est quand même fantastique. Alors, ce n'est pas la première fois, hein, mais ça se vérifie à chaque fois. Et c'est génial. Le grillage également. Parce que, le grillage aussi. Parce qu'en voyant certaines vidéos, on ne savait pas trop, mais en fait, la voiture ne touche absolument pas le mur. Non, elle ne touche pas du tout le mur. Et donc, c'est quand même assez impressionnant. Le grillage, il tient très très bien. Et il est bien mis, bien positionné. Il est suffisamment solide. Suffisamment haut aussi, parce que, enfin, on a vu des images amateurs. Alors, moi, je me suis toujours un peu interpellé, Damien, par les gens qui filment sans même reculer. Enfin, je sais pas, moi, j'aurais quand même un réflexe de. Alors, je crois qu'il y en a certains qui percutent pas, en fait, qu'ils sont en train de filmer le truc et qui percutent pas ce qui se passe, vu la taille de. Mais en fait, il y a des vidéos, tu vois une ou deux personnes qui se déplacent, qui captent qu'il y a un truc pas normal qui est en train de se produire, mais pas beaucoup. Parce que quand tu vis ta vie à travers un petit écran de quelques pouces, ouais, tu ne te rends pas compte que ça arrive. Oui, et puis je pense que beaucoup de gens dans la tribune, là, se sont dit, bah, il va terminer dans les pneus. Pas impossible aussi. Probablement ce réflexe-là aussi, sauf qu'il est passé au-dessus. Mais en tout cas, oui, ça montre quand même bien, parce que. Allez, franchement, je veux pas faire de phrase pour faire une phrase, mais sincèrement, tu recules de 10, de 15 ans, même pas 15 ans en fait, même de 10. Tu sais pas si le pilote est encore vivant, et tu sais pas non plus si tous les commissaires et tous les spectateurs sont vivants. Alors, là tu parles d'abord du fait qu'il est frotté sur le truc, parce que là oui, mais par contre, par rapport au décollage qu'il a et au grillage... Ça s'est produit à Silverstone, qui est quand même une référence malgré tout de ce point de vue là depuis très nombreuses années, même si des gens peuvent rentrer sur la piste quand même. On en parlera après, mais ça reste quand même une référence de ce point de vue là ensuite, n'oublions jamais que nous avons un pilote polonais qui en 2007 quand même a pulvérisé sa bagnole sur un mur au Canada et en est sorti avec une entorse de la cheville. Ah non, mais la cellule de sécurité en Formule 1, c'est voilà, c'est fantastique ce truc là vraiment. Voilà, c'est qu'on a eu l'occasion de pouvoir expérimenter ça. Et il a pris un mur de front, quand même, le gars. Donc, C'était Robert Kubica, évidemment, au Grand Prix du Canada. Enfin, oui, et Romain Grosjean, c'est pareil. Hein, il l'a pris de front et le rail a coupé la voiture. Donc bon, ça reste assez génial. Enfin, assez génial. On n'a pas envie de voir ça, c'est pas la question. Mais de voir à quel point la cellule de survie ne bouge pas, c'est un truc fantastique. Vraiment. Ce sont des technologies qui sont... Le pilote est dans une bulle, tu vois. Indispensable. Ouais, c'est des technologies qui sont indispensables et nécessaires. Et on continue d'améliorer, continue à parfaire tout ça, justement. Et c'est une très belle chose, en fait, d'avoir cette capacité à pouvoir vivre de cette passion-là. Avoir des pilotes qui vont frôler, justement, la limite, mais sans forcément se mettre volontairement en danger, parce que, justement, on arrive à pouvoir s'en sortir, et c'est bien. Et visuellement, on a vu la différence, on a vu la démo de Vettel avec ça désormais, sa nouvelle Williams, puisqu'il l'a achetée à Mansell. C'était incroyable et évidemment, on le sait. C'est flippant quand même. Hein. On le sait, mais à chaque fois, on est choqué par le fait qu'on voit autant le pilote, on voit ses bras, on voit tout en fait. Et donc, c'est incroyable de voir à quel point le pilote est peu protégé. Et de voir aujourd'hui que quand le pilote rentre dans une voiture, il rentre dans une bulle, quoi, vraiment, de la tête aux pieds, littéralement. Avec le halo, maintenant, il est protégé par le dessus. Donc, on les sent quand même. Alors, on ne dit pas qu'il ne peut rien arriver. On a vu avec Grosjean, quand même, qui a été blessé hein, dans cette histoire, que oui, bien sûr, ça reste extrêmement dangereux et que tout peut arriver. Mais quand même, la sécurité a atteint, je trouve, un niveau qui est exceptionnel, vraiment. Martin Brundle disait par le passé que si le pilote en Formule 1 n'est pas couché avec un miroir pour regarder la piste, c'est parce que c'est obligatoire. N'oubliez jamais que les ingénieurs en fait vont tout faire pour aller chercher justement la voiture la plus efficace possible, même si il faut enlever des éléments de sécurité pour y arriver et qui ne sont pas contraints, ils le feraient. C'est justement parce que la Formule 1 contraint les ingénieurs d'avoir tous ces éléments de sécurité là qu'ils le sont. Mais c'est pas ce qui rend les voitures les plus efficaces, hein, tous ces éléments de sécurité aujourd'hui. Hein. Le halo a apporté un poids considérable à la voiture. Et pourtant, ça continue quand même plutôt très bien. Oui, très très efficace. Et donc voilà, je voulais quand même terminer là-dessus, sur vraiment cette, Le fait de saluer que oui, bravo la FIA pour tout ça, évidemment. Exactement. Bravo. On va parler un peu d'autre chose quand même, parce qu'il s'est passé aussi 50 et quelques tours en plus de tout ça. On va évidemment parler tout de suite, Olivier, dans les top flops. Les top flops, Olivier, de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Et donc, à tout seigneur, tout honneur, on va donc discuter du roi de Silverstone, parce que oui, c'est le roi. Lewis Hamilton, bon, certes, c'est pas le premier, hein, on aura l'occasion de parler Sainz, Ferrari après derrière, mais je trouve que Lewis Hamilton en fait et Silverstone, ça marche quand même plutôt pas mal. Y a un truc qui se passe, il y a un truc en particulier, et je trouve que sur ce week-end, on a eu droit à un rappel auprès de beaucoup de gens que oui, la voiture ça fait beaucoup en Formule 1, c'est normal, c'est un sport automatique, c'est un sport mécanique, donc c'est normal qu'il y ait un lien avec le véhicule. Mais quand t'es un grand pilote, un grand champion, quand t'es un des plus grands pilotes de l'histoire de ce sport, t'as l'occasion de rappeler de temps en temps pourquoi c'est ça. Et je trouve que ce week-end en fait partie. Oh, allez, Damien, franchement, t'es pas objectif, t'es c'est fan moi d'Hamilton. Non, mais c'est moi qui le dis exprès, parce qu'habituellement, quand même, celui qui le défend principalement, c'est toi, et qui donc est assez dithyrambique sur l'opération. Mais oui, je veux le faire. Ce week-end, Lewis Hamilton m'a vraiment fait plaisir. Ouais, mais non, t'es pas objectif. Hamilton, il est fini. Tout le monde le sait qu'il est fini, ce gars-là. C'est retraite, c'est tout. Il est fini tout. C'est pas vrai, les refs. Comme ça, on l'aura fait au moins une fois. Oui, ok, Lewis Hamilton. Oui, le roi de Silverstone, puisqu'il est quand même octuple vainqueur hein, de cette course, ce qui est un record total. Et il a signé d'ailleurs, Damien, tant que j'y pense et avant que j'oublie, un nouveau record à Silverstone, puisqu'il a terminé pour la 13e fois sur le podium du même Grand Prix, donc à Silverstone. N'est jamais arrivé. Et ça fait la 16e année consécutive où il réalise le meilleur tour en course au moins une fois. C'est propre. Bah, il nous manque une petite pole, une petite victoire. Hein, comme ça, ce serait bien. Ce serait bien. Non, gros week-end. Hein, vraiment gros week-end d'Hamilton qui était déçu en qualif et qui avait dit qu'il serait agressif et qu'il serait bien présent en course. Au point qu'on s'est posé la question. Alors, je ne dis pas que j'y ai cru, mais on s'est posé la question de savoir s'il pouvait jouer la victoire. Parce qu'à un moment donné quand même il est revenu sur les Ferrari, donc forcément la question pouvait se poser à partir du moment où l'arrêt était un peu loupé et qu'il a eu du mal à creuser suffisamment justement de distance pour ressortir devant. Voilà, moi j'avais compris que ça allait être très très compliqué, mais ouais, beau podium et très belle performance, surtout parce qu'on a vu le vrai Hamilton. Il n'y a pas de hasard, Damien, une fois qu'il a une voiture qui refonctionne un peu mieux, il est là tout de suite. L'année dernière, Silverstone avait été le point justement de bascule à nouveau en fait psychologiquement entre Hamilton et le Verstappen. Tournant du championnat, Damien. Le tournant du championnat, évidemment, mais c'était un point important dans l'évolution de la saison 2021 et donc en oui. 2022, ça pourrait l'être, peut-être pas avec les mêmes conséquences, mais en tout cas, ce sera à suivre évidemment. Dans les autres aspects positifs de ce Grand Prix, dans les autres tops de ce Grand Prix, Olivier, on va parler de pilotes qui sont encore derrière Lewis Hamilton et encore derrière Charles Leclerc, mais je vais vite parler. Je vais faire un duo en fait, Alonso-Norris, parce que les deux ont été. Alors, ils n'avaient pas de quoi se battre pour le podium, hein, clairement. Mais alors, ils ont assisté aux premières loges à de la bagarre. C'était très bien. Et surtout, super départ d'Alonso qui avait justement réussi à faire un bel envol depuis sa position sur la grille de départ. Quand Alonso se concentre sur son pilotage et arrête d'essayer de faire des déclarations un petit peu fumeuses à la presse, ça marche tout de suite beaucoup mieux quand même. Hein. Bah, je vais faire intergrouper, Damien, Alonso Norris, puisque tu les cites tous les deux. Oui, évidemment, en top aussi, parce qu'ils ont tout simplement réalisé ce qu'il y avait de mieux à faire avec le matériel qu'ils ont à disposition. C'est une phrase que je cite souvent dans nos bilans, mais c'est vrai, c'est vraiment ça. Pareil pour Hamilton, hein. D'ailleurs, on peut le mettre dans ce groupe-là. Il n'y avait pas moyen de faire mieux avec ce qu'ils ont. C'est fort. C'est très très fort de la part des trois. Et c'est vrai que, tu l'as bien dit, Alonso et Norris, ils avaient quand même les meilleures places pour suivre ce qui se passait devant. Ça, c'est clair. Surtout en comparaison avec Norris, par exemple, dont son coéquipier donc, était apparemment en visite touristique de Silverstone ce week-end. Et où, Esteban Ocon était victime malheureuse donc, de soucis mécaniques lors des qualifications, oui. Puis victime malheureuse d'un carambolage au départ, plus ou moins lié avec ce qui s'est passé entre Russell et Joe. Et tout ça pour avoir la voiture réparée, prendre le départ, mais finalement, la voiture n'a pas tenu le coup. Tout est lié, oui, Damien. C'est vrai que dans la situation quand même du départ, on n'a pas cité Alex Albon, hein, qui lui aussi va bien. Mais, oui, c'est vrai. Oui. Mais donc, parce que le choc contre le mur était quand même assez, assez violent pour lui. Il a pris trois chocs, lui, surtout, le pauvre, là, parce qu'il a pris le mur, il a pris Vettel derrière. Et deux voitures. Il a pris le mur, et puis après, derrière, il a pris Ocon, puis Tsunoda. C'est ça. Tout va bien. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais voilà, tout le monde s'en est bien sorti. Mais donc, Ocon, oui, bah, pas de bol. Et franchement, je sais pas du tout, en fait. C'est un souci de pompe à essence qui l'a contraint à l'abandon. Est-ce que c'est lié au choc qu'il y a eu en début de course? On saura jamais vraiment, mais dans tous les cas, bravo aux mécanos de Alpine qui ont relancé un peu l'opération. Bon, ils ont eu le temps de le faire, certes, mais malgré tout, quand même, bravo à eux. Ouais, mais quand même, hein, parce que la roue pendait, donc oui, faut le faire. D'autant qu'il faisait quand même plutôt une bonne course, hein, Ocon, avant d'avoir son incident. Et il aurait pu avoir les deux Alpines dans les points quand même, c'était plutôt pas mal de ce point de vue-là. Deux voitures dans les points d'ailleurs, Olivier, c'est pas vraiment un top, c'est plutôt une mention positive, mais quand même le citer, les deux As qui arrivent à se placer dans les points, dont Mick Schumacher avec ses quatre premiers points en carrière. Ce qui fait que il n'y a plus qu'un seul pilote parmi les titulaires de la saison qui n'a pas de points. Est-ce étonnant? Non. Attends, il n'est pas passé si loin. Alors, tu sais quoi, à partir du moment où il s'est qualifié en Q3, je me suis dit, à quel moment, est-ce que ça va forcément foirer, ça va forcément mal se finir, à quel moment, comment vont-ils foirer le coup du côté de chez Williams, ou du côté de chez Latifi pour foirer? Mais ils n'ont pas foiré, ils n'ont juste pas le niveau. Enfin, cette voiture ne pouvait pas terminer dans les points. Puis le problème, c'est que la seule voiture qui aurait pu faire quelque chose, elle a fait un virage. C'est d'ailleurs très embêtant pour Williams, qui avait des évolutions sur la voiture d'Albon et qui a du mal à les évaluer, du coup, tu vois. Ah bah, puis en plus d'avoir du mal à les évaluer, la moitié des pièces sont pétées. Donc bon, à partir de là, c'est un peu compliqué de pouvoir aller plus loin. Je ne suis pas certain qu'on retrouve cette voiture-là en Autriche, lors du Grand Prix prochain. Je pense pas, mais donc tu voulais parler de Haas, hein, donc les deux pilotes dans les points. Oui, non, mais juste pour dire, c'est voilà. C'est propre. On est en avant-dernière et dernière ligne en qualification. On fait... tout aussi ridicule qu'Aston Martin en qualification, puis on arrive à marquer des points, tout comme Vettel d'ailleurs, bravo. C'est bien. Oui, bien de Vettel aussi. Ouais, c'est bien. Puis on reprend d'ailleurs la position de la 8ème place au classement des constructeurs du côté de Haas. Alors, bien, qui est groupé du côté allemand, Damien, bien de Vettel et bien de Schumacher aussi, parce qu'il a été malmené quand même par Verstappen. Alors, pas qu'un peu, hein, sur la... Au fond, Mick Schumacher aurait dû être 7ème de la course. Il se trouve que la direction de course a laissé 10 tours en open bar, enfin 10 tours en roue libre, évidemment, en fin de Grand Prix, où manifestement on avait le droit de sortir de la piste ou pousser les gens dehors. Bref, bon, c'est comme ça. Mais écoute, c'est pas grave. Il vaut mieux être 8ème qu'abandonné. Donc voilà. Ouais, non, c'est sûr. Mais justement, il a bien géré la situation avec Verstappen, parce que ça aurait pu vraiment se rentrer dedans assez facilement. Je trouve que Verstappen d'ailleurs prend des risques, parce que finalement inscrire des points, c'est précieux. Je trouve qu'ils sont passés proches de l'accident, hein, donc je sais pas si c'était le mieux à faire pour Verstappen, mais ça s'est bien terminé pour tout le monde, donc tant mieux. Voilà, au final, à partir du moment où ça a été réussi, c'est bon, hein. Voilà, exactement. Mais tout le monde est en train de se dire qu'on oublie quelque chose, non? Alors, je vais juste faire un dernier top pour Sergio Pérez. Oui, Sergio Pérez, le driver of the day, bien sûr. Oui, bah écoute, il a failli faire un last to first challenge, j'ai compris. Termine à 4 secondes d'un last to first, quand même, c'est pas mal. Pour lui, dont... Il est remonté jusqu'à 2 secondes 5, hein, d'ailleurs, de Sainz. Ouais. Ben, franchement, vu les circonstances de course et vu le début du Grand Prix pour lui, c'est vraiment pas mal ce qu'il a réussi à sortir, le pilote mexicain. Et je trouve que c'est un moyen même très positif de se dire, il s'est pas laissé faire, enfin, il est allé chercher quelque chose en plus. Il a fait le boulot, il a fait le job. Il pouvait pas aller plus loin que ce qu'il a fait dans les circonstances dans lesquelles il était, sachant que son leader était pas là. Et ben merde, il est allé chercher une deuxième place pour Red Bull, qui pourrait faire la différence plus tard dans la saison. Encore une fois, on sait pourquoi c'est lui qui est chez Red Bull. Ça se voit, en fait. Et j'ai presque envie de te dire, Damien, je vais pas être sympa pour le suspense, mais on sait pourquoi, avec Perez, pourquoi Red Bull va être champion des constructeurs. Ah oui, non, parce que bon, écoute, on va en parler quand même, alors... Oui, c'est une transition toute faite, Damien. C'est affreux. Nous allons parler de Ferrari. Mais c'est affreux, parce que Carlos Sainz fait une pole ce week-end et remporte le Grand Prix, mais il fait la pole parce que Leclerc s'est sorti, alors que Verstappen allait taper la pole. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc Leclerc fait un tête-à-queue. Et il gagne le Grand Prix parce que Ferrari a décidé de faire rentrer Sainz Et pas Leclerc pendant la safety car en fin de Grand Prix. Alors que Leclerc était en tête. C'est-à-dire que le pauvre Sainz, il remporte un Grand Prix. C'est pas qu'il mérite pas de gagner. Mais c'était pas le plus... Il mérite de gagner en Formule 1, moi je pense qu'il n'y a aucun souci là-dessus, tout le monde est d'accord. Mais pas dimanche, pas celui-là. Mais cette course-là, non en fait, non. Non mais ça, le pauvre, même son premier le podium, pauvre, il était même pas dessus, puisqu'en plus il a gagné son podium après une pénalité, il était même pas en train de célébrer le machin. Enfin, résumons Damien, premier podium, un peu loupé, première pole, un peu donné, première victoire... Un peu offerte aussi. Bah, c'est-à-dire que, en fait, bon. Je m'attendais à la carrière de Sainz. Vraiment, je m'attendais à ce que Sainz remporte sa première victoire sur tapis vert, tu vois. Non, mais c'est triste pour lui. Sincèrement, c'est triste pour lui parce que c'est un gars qui peut tout à fait aller chercher une victoire à la régulière. Moi, j'y crois totalement. C'est un gars qui peut être irrégulier, on est d'accord. Qui a eu du mal avec cette voiture. On sait que c'est un gars qui, il a expliqué, il avait du mal dans le premier stint avec la voiture, avec l'équilibre de la voiture à cause des pneus qui n'étaient pas à température. Tout ça montre, et on a bien vu aussi la consigne, bah, voilà, on sait, on a compris que Leclerc était plus fort. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se dire le contraire. Mais Carlos Sainz est capable d'aller claquer une pole et d'aller gagner un Grand Prix. Pour moi, ça ne fait pas de doute et c'est un peu triste qu'il le fasse comme ça. J'espère pour lui qu'il y en aura d'autres où il pourra montrer qu'il peut le faire au mérite. J'espère vraiment pour lui, parce que ce serait vachement triste. Bon, maintenant, Damien, on peut évacuer ça. On lui dit bravo quand même, parce que voilà, il entre dans le palmarès de la F1. Et ça, c'est beau. Au-delà de ça, ce foirage de Ferrari... En fait, ce qui est une nouvelle fois lunaire, c'est que Mattia Binotto dit deux choses après la course. Un, on a fait rentrer Sainz et pas Leclerc... parce qu'on n'avait pas le temps de faire rentrer les deux, ça je veux encore bien l'entendre, mais on a fait rentrer Sainz qui était deuxième, parce qu'on pensait que sur les pneus tendres, l'avantage n'allait pas durer longtemps. Mais mec, il ne reste pas 20 tours, il en reste combien? 7, 8? Il y avait, pour autant que je me souvienne, il y avait entre Sainz et Leclerc, au moment justement du déploiement du safety car, au moins 4 secondes. Au moins 4. Ouais, c'est risqué, mais en fait... Alors, c'est risqué, je suis d'accord. Tu peux le faire parce que tu fais gagner la course à Leclerc, donc tu peux le faire, en fait. C'est risqué. Tu perds peut-être le doublé. Voilà, mais tu peux peut-être avoir deux podiums, par exemple, un et trois, tu peux avoir quelque chose, au moins. Mais je suis d'accord avec toi que c'est risqué. En fait, en disant que tu n'as pas le temps de faire rentrer Leclerc, c'est que tu es en train de dire « je joue le titre, mais je n'ai pas les mécaniciens capables de pouvoir être prêts comme ça. » Oui, et au-delà de ça, moi je pense que l'erreur vient du fait que Charles Leclerc n'est pas encore désigné comme candidat au titre chez Ferrari. Mais indépendamment c'est une grosse erreur. Indépendamment de ça, il se passe. Bon, il n'y a pas un tour, mais il se passe quand même suffisamment de temps. Safety car, tu rentres. C'est le leader qui doit rentrer. C'est le leader qui doit rentrer. C'est aberrant, quoi. Et tu fais rentrer. Aberrant. Et j'ai envie de te dire, vu le moment où ça se passe dans la course. Toi, Leclerc, t'es leader, tu rentres. T'as derrière du Pérez, du Hamilton qui rentrent pas. Mais ils se font bouffer tout pareil que toi, tu t'es fait bouffer, en fait. C'est ça. Ah oui, bah... Tout le monde allait rentrer. Tout le monde allait rentrer. Bah, évidemment que oui, parce que c'était la chose à faire. Je t'avoue que j'ai réfléchi à la situation en me disant est-on tout à fait objectif, nous, francophones, par rapport à Leclerc dans cette situation? Et au final, oui, parce que tu inverses la situation... Bah pour moi, Carlos Sainz se serait fait voler. Il était en tête, c'était à lui de rentrer en premier. Il avait la priorité. Donc là, en l'occurrence, c'était Leclerc. Leclerc devait gagner cette course parce qu'il était le plus rapide, tout simplement. Bah moi, il y a des gens, j'ai vu ça sur Twitter, qui disaient si Leclerc voulait gagner la course, il avait qu'à être plus rapide, il avait qu'à pas faire d'erreur en qualif. Il avait qu'à être plus rapide. Enfin... Il était le plus rapide. Il était devant, c'est bien la preuve. La voiture était pétée depuis le quatrième virage du Grand Prix et pourtant il était plus rapide que son coéquipier avec une voiture qui était en bon état. Coéquipier qui d'ailleurs avait perdu la tête du Grand Prix en faisant une cagade aussi quand même, faut pas non plus l'oublier, plutôt durant la course. En étant mis relativement sous pression face à Verstappen, c'est pas non plus la folie à ce moment-là. Il n'y avait pas non plus scandale d'avoir Leclerc qui soit devant Sainz à ce moment-là. C'était même logique. Le meilleur des pilotes Ferrari était devant, il faut dire les choses comme elles sont. Et pourtant, tu le sais, je défends souvent Carlos Sainz. Et puis en plus, si jamais ça semble pas clair pour Ferrari que Leclerc est un candidat pour le titre plus crédible que Sainz, alors qu'on arrive quasiment à la moitié de la saison, vu l'écart qu'il y a entre les deux pilotes et championnat du monde, c'est que... il est faible, hein. Bah c'est que t'es un peu nul quand même. Non, mais l'écart est faible, Damien. Bah maintenant, enfin un peu plus. Regarde le classement, l'écart est faible entre les deux. Je sais pas, franchement, j'ai du mal à considérer de manière vraiment sérieuse ce qu'a fait Ferrari. Et en fait, on en parle maintenant parce que ça vaut même pas un fait marquant, tellement c'est quelque chose de régulier dans la saison. Oui, il y a toujours une merde de la part de Ferrari depuis le début de l'année. C'est là que je voulais t'emmener pour boucler en tout cas concernant mon avis. Si je te parle du fait que le problème est aussi que Leclerc ne soit pas considéré comme candidat au titre, comme le candidat au titre chez Ferrari, c'est parce que il y a deux foirages stratégiques en quelques courses, puisqu'il y avait déjà eu Monaco, il y a deux abandons pour Leclerc, il a perdu énormément de points alors qu'il en avait beaucoup, on rappelle quand même en début de saison, d'avance sur Verstappen, il est toujours à plus de 40 points je pense. J'ai pas fait le calcul, mais il a gagné quoi, 6 points, je pense, sur Verstappen. Il devait en gagner au moins 20. Il en gagne 6. Il a 34 points. Il devait gagner 20 points. Il en gagne 6. Non, c'est pas possible. Hein. Il était à 49 points, donc il peut pas être à 30... Ah, 180 contre 147. Ah non, pardon, excuse-moi, j'ai pris Perez. Excuse-moi. parce que Perez est toujours deuxième au classement, pardon. Il a 43 points d'avance. Voilà. Il en avait 49, donc c'est bien 43. Excuse-moi. Je suis désolé. À quel moment tu fais autant de foirage stratégique, fiabilité? Alors oui, la fiabilité, ça arrive et Leclerc n'était pas visé, mais c'est comme ça. Sans te dire à un moment, on va tout miser sur un pilote pour essayer de jouer le titre. Les gars, ils le font pas. Ils le font pas. Enfin. Parce que tu ne joues pas le titre. Oui, mais c'est Ferrari ça, en fait. Vient donc de. Ouais, mais Ferrari a donc confirmé quand même ce qui peut être une sorte de phrase que tu fais en début de saison, un peu à la Toto Wolff, tu vois, qui te dit chaque année pendant qu'ils sont en train de mettre une pilule à tout le monde. Oh non, on ne joue pas le titre cette année. Bah si, forcément tu joues le titre cette année. Et ben là, du côté de chez Mattia Binotto cette année, on dit on joue pas le titre parce qu'en fait ils ont pas les moyens de le jouer. Merci Damien pour cet accent. Mi-allemand, mi-russe. Ferrari n'a pas les moyens de jouer le titre. Non, Ferrari n'a pas les moyens humains de jouer le titre. Voilà. Et c'est assez terrible comme constat. Alors, ils vont te dire, oui, mais nous sommes en train de revenir vers le sommet, on n'y est pas encore. C'est pas normal. Quand t'as cette voiture-là, tu peux pas dire ça, je suis désolé, tu peux pas. Et puis quand ça fait 2 ans que tu fous rien, histoire de dire on mise tout sur le prochain règlement, tu dois être un vrai candidat pour le titre, tu dois être prêt, je suis désolé. T'as pas le droit de dire ça, c'est pas normal, tu peux pas dire ça, d'autant plus que tu commences la saison avec un doublé, merde, enfin, oh les gars, réveillez-vous quoi. C'est pas normal et je pense qu'effectivement Ferrari et Leclerc ne seront pas candidats au titre. Je te le dis comme je le pense. Ah oui, mais ils vont nous faire une Ferrari classique, et puis à partir du moment où on va rentrer de la pause estivale et on se prend une fessée, et puis voilà. Il n'est pas impossible que Mercedes termine la saison devant eux. En performance, hein. En points, je sais pas, mais en ça performance. Ça va être délicat, mais... Regarde le classement constructeur, Damien, Mercedes n'est pas très loin. Hein. Bah oui, alors Mercedes n'est pas très loin constructeur, mais surtout ce que je me dis, c'est qu'il y aura au moins un des deux pilotes Ferrari qui sera au moins derrière un des deux pilotes Mercedes. Sûrement, oui. C'est pas normal. En performance, c'est pas normal. Ça veut dire que c'est l'aspect humain, l'aspect process finalement, hein, l'aspect mettre tout ensemble qui ne fonctionne pas. Et ils vont te dire qu'ils sont en train d'apprendre, mais non, je suis désolé. Peut-être que ça paiera pour l'an prochain, hein, ça peut être le cas. Mais ils devraient être capables de le faire maintenant. Red Bull n'a jamais eu l'indécence de te dire... Alors que c'est quand même une écurie moins mythique, qui a moins d'histoire que celle de Ferrari, et qui est passée par bien pire que Ferrari quand même ces dernières saisons. Ouais. Red Bull n'a jamais eu l'audace de nous dire on apprend. Non, on bosse. Ils ont toujours dit on bosse pour revenir au top. Et ils ont toujours cherché à maintenir un niveau d'exigence et d'excellence important. Ils n'avaient juste pas les moyens matériels de pouvoir y arriver, mais humainement, ils ont toujours fait en sorte de pouvoir avoir les moyens de rester au top. Question Damien pour terminer là-dessus. Est-ce que Binotto, dans ses déclarations, se protège en disant ce qu'il dit? Est-ce que c'est ça sa stratégie? C'est jamais de sa faute, Mathieu Binotto. Mais c'est jamais de sa faute et c'est même normal ce qui arrive. On a l'impression que tout est normal en fait. Ah, depuis le début de saison, ça l'est. Et depuis le début de saison, t'en vois qui est en train de relativiser la situation en disant que si et ça. Ouais, mais c'est bien gentil, mais non, c'est pas possible. Est-ce qu'il se protège ou est-ce qu'il y a un manque d'ambition en fait ? C'est peut-être un mélange des deux, mais c'est terrible dans les deux cas. Peut-être. Peut-être. Il y a un vrai, vrai problème. Mm-hmm. Il y a un vrai problème et c'est déplorable. Et honnêtement. Mis à part des fans hardcore de Ferrari aujourd'hui, qui croit encore que Leclerc et Ferrari vont jouer le titre ? Franchement, qui y croit vraiment ? Bah, en tout cas, d'eux-mêmes, seuls, ils vont avoir du mal, à moins que Red Bull s'écroule un peu ou subisse les effets du budget cap ou rencontre des vraies problématiques. Mais en fait, finalement, Ferrari, dans l'esprit, dans la manière dont ça se passe, à moins d'un vrai changement incroyable qui serait opéré d'une raison qu'on n'aurait pas vu venir, mais il n'y a rien dans les faits qui puisse entraîner un vrai changement, une vraie reprise de position de la part de Ferrari, autrement qu'avec une défaillance des adversaires. Encore une fois, et j'anticipe un peu certains commentaires qui pourraient arriver, c'est vrai qu'il y a même moins d'un an, hein, c'était après l'Autriche, etc., on s'était dit le championnat est fini. Mais comme on l'a déjà dit ici, Damien, c'était Mercedes en face. Et et tu vois, on a même plus confiance dans la capacité de Mercedes à pouvoir même limite remonter deuxième au classement constructeur que dans la capacité de Ferrari à pouvoir faire un rapproché sur Red Bull aujourd'hui. Et pourtant, Mercedes ne rassure pas quand ils disent qu'ils envisagent éventuellement de changer de concept encore. Ouais, c'est ça qui est assez dingue. Mais on a plus confiance en leur travail qu'en celui de Ferrari, c'est comme ça. Je suis d'accord. Et pourtant, le travail de Mercedes ce week-end, point à noter, c'est la fin d'une série de 9 résultats consécutifs dans le top 5 pour George Russell cette saison. Et Hamilton est donc le seul à avoir terminé toutes les courses. Pas toujours dans les points, je crois. Non, mais le seul à avoir terminé toutes les courses. C'est ça. Ce qui reste... assez comique, je trouve. Il vit une saison compliquée, mais il a terminé. Tiens, d'ailleurs, tu me donnes un mot qui me permet de faire une transition. Parler comique, restons en Italie, parlons d'AlphaTauri. Là aussi, quand même, c'est du comique. Yuki Tsunoda, donc, nous donnait l'impression qu'il avait maturé, qu'il avait pris un petit peu dans la cabosse et dans la calebasse pour cette saison 2022. Ça dépend des jours. Ouais, bah, il n'en est pas grand-chose, quand même, parce qu'après, ça... cagade quand même en sortie des stands au Grand Prix du Canada il y a 15 jours. Alors il nous fait quelque chose d'assez incroyable. Il va sortir son coéquipier pour qu'après, derrière, en plus en termes de résultats, ça rapporte que dalle à l'écurie qui était déjà un petit peu en difficulté quand même. Je sais pas en fait à quel moment il se dit pas. Ouais. Parce que quand t'écoutes la radio quand même après l'incident qui s'est produit avec Gasly, où attention, ils ne sont pas rentrés dedans. C'est-à-dire qu'il partait en tête à queue tout seul, quand même. Hein. Ah oui. Et il a embarqué Gasly avec lui. On a quand même senti qu'il était à deux doigts d'insulter Gasly, quand même, dans l'histoire. Hein. Oui. Alors, ça, moi, ça ne m'embête pas, parce qu'encore une fois, dans le feu de l'action... tu sais, combien de fois on n'a pas parlé des critiques qu'Hamilton recevait à cause des radios qu'on écoutait, qu'on entendait. Certes. Pareil pour Leclerc ce week-end, hein, qui a eu droit à son lot d'insultes sur les réseaux sociaux parce que Leclerc n'est qu'un petit prétentieux qui se fait tout le temps à la radio. Je le trouve extrêmement calme quand même, Leclerc. Franchement, je le trouve très très sympa par rapport à tout ce qu'il vit. Pardon. Il est extrêmement mesuré, mais bon, pour certains, c'est un petit con prétentieux parce que... il se permet de demander à son équipe de passer devant un pilote qui est moins rapide que lui et qui est son équipier. Bon. Tout ça pour te dire, Samuel, que pareil pour Tsunoda, au final, dans le feu de l'action, moi je tiens compte de ça. Je trouve que c'est bien qu'il ait reconnu après la course que c'était de sa faute et qu'il y avait de la précipitation. Ah bah heureusement quand même. Enfin... Pareil au Canada, c'était de la précipitation. C'est pareil dans les deux cas, avec des circonstances différentes, mais c'est pareil dans les deux cas. Damien, moi l'enseignement que je tire est grande analyse, fine analyse dans cette émission. L'été, généralement, ne réussit pas à Tsunoda. C'est une saison qu'il n'apprécie pas. Il a toujours un creux. Il a un peu trop chaud. Peut-être. Il a trop chaud. Écoute, je sais pas quoi dire. Non, il est toujours pas régulier. Mais voilà. Non, on va voir, encore une fois, il a un an de F1 dans les pattes et en même temps, pour moi, il a rien du tout parce qu'il n'était pas du tout prêt. Donc... Ah oui, non, mais il subit encore les conséquences de ce choix désastreux de l'avoir eu titulaire l'année dernière. Hein. Je vais conclure comme ça, Damien. Si nous avons laissé du temps à un pilote qui désormais n'en mérite plus, qui s'appelle Lance Stroll, nous sommes en droit de... nous sommes dans le devoir plutôt de laisser un peu de temps à Tsunoda. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est bien que tu aies cité Stroll, comme ça, moi, ça évite de le citer à nouveau, parce qu'encore une fois, il a été particulièrement absent. Je vais citer aussi Nicolas Latifi, quand même, donc justement, je suis désolé, mais sa Q3 ne reste que une vaste surprise. Je pense que même lui n'est pas au courant de savoir pourquoi il a fait ça et comment il a réussi à faire un truc pareil. Écoutez, voilà, c'est juste, en fait, en gros, ce qu'on appelle un sursis. Quant au fait qu'il n'y a pas le niveau, enfin... Quant au fait qu'il ne sera plus en Formule 1 l'an prochain. Oui, c'était sympa. Voilà, t'as fait une carrière plus que ce que tu aurais certainement pu réussir à faire si tu n'avais pas les valises qui pouvaient te permettre d'y arriver. Et son nom restera dans l'histoire pour 2021. Donc... Oui, aussi, bien sûr, bien sûr. Non, mais enfin, je... Voilà. Ça, puis les drapeaux bleus respectés à Bakou, et puis... Et puis toutes sortes de bêtises un peu partout. Quoi. Enfin, avant qu'on termine, Damien, parce qu'on n'a pas assez tapé sur Ferrari, je vais terminer les top flops ici. Mention négative à la réaction de Ferrari et de Carlos Sainz, quand même, qui ont osé célébrer une victoire alors qu'un pilote était au centre médical. On ne retient pas l'histoire, Damien. On ne retient pas l'histoire et c'est pas beau. Un pilote Red Bull en plus. Exactement. Et c'est un ancien pilote Red Bull qui a gagné. De là à dire que c'est un complot, j'en suis pas loin. Il y a la moitié de la grille, c'est un ancien pilote Red Bull. Qu'est-ce que tu vas me faire chier avec ça? Non, mais franchement, le pauvre Albon, il est décidément traumatisé parce que l'an dernier, on lui a quand même fait refaire Silverstone 5000 fois dans le simulateur. Ah oui, enfin, il a certainement plus fait Silverstone dans le simulateur qu'en vrai. Hein, Ah ben cette année, c'est sûr, oui. En comptant toutes ces saisons en Formule 1, je pense que c'est le cas. Bref. Allez, puis bon, voilà, évidemment, on a évidemment bien entendu totalement profité de cette fin de course exceptionnelle. Évidemment, les bagarres, tout ça, on en veut, on en redemande. Et justement, on va en parler dans la note. La note, Olivier, de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, assurément la plus élevée de la saison, assurément la plus élevée depuis longtemps. Mais donc, je te pose la question, évidemment, qu'est-ce que tu auras retenu en premier, du spectacle ou de la stratégie ? Le meilleur Grand Prix de l'année pour l'instant pour moi, très clairement. C'est pas la première fois d'ailleurs que c'est Silverstone et ça fait plaisir. Non, plus de spectacle, Damien, évidemment plus de spectacle. On a eu un beau spectacle. Je mets 4,5 sur 5 en spectacle parce que il m'a manqué une seule petite chose, c'est une vraie bagarre intense pour la victoire. On n'a pas eu ça, mais sinon le spectacle était quand même vraiment au rendez-vous, avec des derniers tours de folie quand même, il faut le dire. Ou d'ailleurs, effectivement, Nils Wittich s'est un peu oublié. Mais quelque part, tant mieux. Tant mieux, oui. En stratégie, on a quand même eu des choses intéressantes, et la victoire, finalement, s'est un petit peu jouée là-dessus quand même. Donc, pour être d'accord, j'ai mis 4,5, ça me fait un 9 sur l'ensemble. C'est presque bas, parce que vraiment, c'était très, très, très bon. Je mets 5 sur 5 en spectacle parce que, il y a eu quand même de la bagarre pour la tête. Pas en fin de course, certes, mais il y a eu deux départs arrêtés de très très haute facture où Verstappen est passé devant Sainz, puis Sainz est repassé devant Verstappen. On a eu également quelques bagarres, hein, des petites bêtises provoquées par l'un ou l'autre pilote, évidemment, en tête. La lutte, évidemment, en fin de Grand Prix, évidemment, avec de la bagarre un peu à tous les niveaux. Bref, en termes de spectacle, c'est compliqué de faire beaucoup plus. Que ce qu'on a vécu durant ce Grand Prix, sans aller espérer évidemment qu'il y ait un petit peu les jeux du cirque en plus du n'importe quoi. En termes de stratégie, je mets 4 sur 5 parce qu'en fait c'est plus une erreur stratégique qu'une réussite stratégique ce qui s'est passé pour la victoire du Grand Prix. Bref, je chipote, 9 sur 10 évidemment pour moi aussi. Vous avez ça à l'écran, bien entendu, Olivier. Et nous allons aller en express sur les classements. Max Verstappen toujours en tête, 181 points devant Sergio Perez, 147, qui est devant également Charles Leclerc, devant Sainz. Russell donc ne marque pas de points pour la première fois de 2022. Bottas toujours incroyable avec 46 points devant les deux pilotes alpines pour le top 10. On poursuit avec Pierre Gasly devant Kevin Magnussen qui est quand même a déjà 16 points, bravo à lui. Vettel également qui atteint Daniel Ricciardo et là ça craint pour le pilote australien, je suis désolé. On redescend évidemment le classement. Nicolas Latifi n'est plus officiellement dernier de ce classement, mais il a toujours 0 points. Merci Nico, parce que comme ça tu restes et resteras toujours le zéro de mon cœur. Ouf, c'est beau. Quelle déclaration, Damien, au championnat constructeur. Le futur champion est en tête. C'est très logique, d'ailleurs. Red Bull 328 points, donc Ferrari 265. C'est loin, c'est très très loin. Mercedes est dans les 200, d'ailleurs, aussi, 204. Et puis derrière, c'est intéressant, McLaren 73, Alpine 67. Ça se rapproche. Et je pense que là, on peut avoir un vrai combat. Ce sera un peu plus dur pour Alfa. Romeo derrière, puisque au niveau fiabilité, on n'y est pas tout à fait non plus. Bottas a encore abandonné. Bah oui, puis Zou aussi, franchement, c'est pas fiable. Hein. Regarde, non, moi, ça, nul, un petit choc sur le côté et ça se retourne comme une crêpe. C'est ça. En plus, l'arceau. Enfin bref. AlphaTauri 7ème et ça va être compliqué pour AlphaTauri cette saison, on le voit. Haas donc prend la 8ème place devant Aston Martin. Les beaux tracteurs verts, Aston Martin, ne les oublions pas. D'ailleurs, bravo à Vettel pour sa performance. Et Williams est toujours dernier avec 3 points. Ça va être compliqué pour Williams. Damien, tu avais dit 10 points chacun. Ça va pas être simple. Hein. Ça va être dur pour Williams, mais j'y crois quand même, parce que Alexander Albon ne sera pas toujours harponné par ses adversaires durant les différents Grands Prix. Ça, également aussi, c'est important, officiellement, il y a 63 points d'écart entre Ferrari et Red Bull et 61 entre Ferrari et Mercedes. Donc, Mercedes est plus proche de Ferrari que Ferrari ne l'est de Red Bull. Voilà, voilà. Allez, bah sur ces belles paroles, pleines de joie et évidemment fans de Ferrari, retenez vos larmes puisqu'on n'a pas le temps de se niaiser. On repart en direction de la Formule 1 puisque dès le week-end prochain, Grand Prix d'Autriche, on n'a évidemment pas encore eu l'occasion de pouvoir traiter beaucoup de sujets d'actualité ou faire d'autres vidéos entre les différents bilans. Vous comprendrez rapidement pourquoi, hein, Olivier? Oui. Oui, mais derrière moi, ça va un petit peu évoluer, effectivement. C'est déjà en train d'évoluer, d'ailleurs. C'est déjà en train d'évoluer et ça va continuer à évoluer assez fortement, très très vite. Damien, l'Autriche, c'est pas pour en ajouter une couche, mais c'est le Red Bull Ring. Donc, victoire de Mercedes. Moi, je veux bien. Hein. Ah bah pourquoi pas. En tout cas, évidemment, merci Olivier pour ce bilan. Merci à tous. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour le bilan de ce Grand Prix d'Autriche. Profitez bien, il fait beau, il fait chaud. Bon, ça va bien se passer, à bientôt, ciao.